إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد نكوتينيو إن شاء الله. Et on a vu que parmi les noms de Ahl-Sunnah, Ahl-Sunnati wa al-Jama'a, Awalan Ahl-Sunnati wa al-Jama'a. Et on a bien vu que, comme il a dit Cheikh Al-Islam ibn Taymiyyah, rahimallah, Fayuqal Ahl-Sunnati wa al-Jama'a, kama yuqal Ahlul Bid'a wa al-Furqa. Alors, si on dit les gens de la Sunna et du groupe, on dira de même des gens de l'innovation et de la division. Pourquoi est-ce qu'on appelle Ahl-Sunnati wal-Jama'a? Pourquoi Al-Jama'a? Parce qu'il y a l'Ijtima' ala hadhihi Sunnah. Parce qu'ils sont tous unis par cette Sunnah. Donc s'ils sont unis par cette Sunnah, si les gens font le contraire avec l'innovation, ils deviennent divisés. La Sunnah, elle permet d'unifier les musulmans. Or, la Bid'a, elle est une cause de la division des musulmans. C'est pour ça que Cheikh Al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, il a dit, comme on dit Ahl-Sunnati wal-Jama'a, alors on dira Ahl-Bid'a wal-Furqa. Hein? C'est-à-dire tout le contraire. La Sunna, elle regroupe les gens. Hein? Ils sont Al-Jama'a. Même si tu es tout seul, à partir du moment où tu es à la Sunna, Anta Al-Jama'a. C'est toi Al-Jama'a. Tu représentes Al-Jama'a. Donc quand on dit Al-Jama'a, il ne faut pas comprendre un groupe, il faut comprendre le fait d'être à l'al-haq, d'être sur la vérité. C'est pour ça que Abdullah ibn Mas'ud, il a bien dit, Al-Sunnati wal-Jama'a, c'est toi, même si tu es tout seul, c'est toi. Même si tu es tout seul, à partir du moment où, tu es sur l'al-haq, sur la vérité, c'est toi. Tayyib. Et on avait expliqué, c'est qui Al-Sunnati wal-Jama'a, hum al-mutamassikun bi kitabillah, wa sunnati wa rasulihi sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار إلى آخره. كما الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله lui-même a rajouté في التعريف أهل السنة, le fait de connaître qui sont les gens de la Sunna, ce sont ceux qui sont accrochés fortement au livre d'Allah, à la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur la compréhension de ceux qui nous ont devancés parmi les premiers. Les premiers parmi les al-muhadirin, min al-muhadirin, wal-ansar, wa hum sahaba, radiallahu ta'ala anhum, ainsi que ceux qui les ont suivis. Thaniyan, ahlul hadith. Ahlul hadith, hum al-sunnati wal-jama'a. Parmi les noms avec lesquels on a appelé al-sunnati wal-jama'a durant les temps, et toujours dans le même but, le tamyiz bayna al-sunna wa ahlul bid'ah, afin de différencier les gens de la sunna et les gens de l'innovation. Ahlul hadith. Et c'est la parole que l'on retrouve beaucoup dans beaucoup de paroles des savants. Fi kalam kathir min al-a'imma ka Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah wa ghayruhu min ahli al-'ilm qablahu wa ba'dahu yadhkuruna ahli al-hadith. Comme Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah ou autre que lui parmi les gens de science, que ce soit avant lui ou après lui, qui ont rappelé ce terme-là, ahli al-hadith, les gens du hadith. Et on a vu que lorsqu'on trouve le mot ahl, ahl sunna, ahl hadith, ahl athar, on précise que ce qui suit juste après sunna, athar ou hadith, on mentionne des gens qui ont cette particularité qu'on les décrit exactement parce qu'il est suivi justement. Ahl sunna, ce qui les différencie des autres et ce qui marque vraiment la chose chez eux, c'est sunna. C'est que quand tu les vois, tu les entends, tu te rappelles de sunna. C'est ce qu'il aurait spécifique. Ahlul hadith, al-hadith, hadith al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. أهل الأثار أثار السلف سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم وكذلك أهل الحديث c'est-à-dire que ce sont أهل السنة et qui suivent la sunna et dont la aqida et هي مبنية على السنة elle est bâtie sur la sunna du prophète صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال الصابوني رحمه الله تعالى يقول في عقيدته فهذا الإمام الصابوني رحمه الله يقول في عقيدته إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة بالكتاب والسنة il a dit c'est qui أهل الحديث il a dit ce sont ceux qui sont accrochés fortement au livre يعني القرآن et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a mentionné ensuite qu'Allah préserve les vivants parmi eux et qu'il fasse miséricorde à leur mort, c'est-à-dire aux morts des gens de Ahlul Hadith, Ahlul Sunnah. Tayyib. Thumma qala, il a ensuite rajouté, il a dit, « Ila an yakoul » وقد أعاذ الله أهل السنة من التحريف والتكييف والتشبيه ومن عليهم بالتعريف والتفهيم et donc il a rajouté et Allah عز وجل les a préservé les gens de la sunna du tahrif والتكييف والتشبيه c'est-à-dire tout ce qui concerne ces choses-là le fait de transformer ou changer ou dire le comment ou refaire ressembler les noms et les attributs d'Allah تبارك وتعالى avec sa créature. وَمَنَّ عَلَيْهِمْ بِالتَّعْرِيفِ وَالتَّفْهِيمِ et il les a donné comme bienfait, parmi les bienfaits qu'il leur a donné, il les a épargnés par cela, par la connaissance et la compréhension. وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَةَ رَحِمَ اللَّهِ مَذْهَابُ السَّلَفِ أَهْلُ الْحَدِيثِ وَالسُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ il a dit, شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَةَ رَحِمَ اللَّهِ مَذْهَابُ السَّلَفِ la voie des salafs des pieux prédécesseurs, c'est Ahlul Hadith, wa Sunnah, wal Jama'a. C'est les gens du Hadith, les gens de la Sunnah et les gens de Al Jama'a. Mustami'un ala Hadith Sunnah. Fal Murad bi Ahlul Hadith fi kutub aqaid al Salaf hum Ahlul Sunnah. Et dans les anciens livres des ulama de l'époque, les gens de la Sunna, lorsqu'il mentionnait Ahlul Hadith, comme l'a mentionné l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, lorsqu'on lui a demandé Firqatun Najiya, man hiya Firqatun Najiya, c'est qui ce groupe sauvegardé dont a parlé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sera sauvegardé du feu. Et il a répondu, si c'est pas Ahlul Hadith, je vois pas qui c'est. Yani Ahlul Hadith, sammahum bi Ahlul Hadith. يعني أهل السنة والجماعة هم أهل الحديث. donc l'imam Ahmed on voit bien aussi qu'il les a nommés أهل الحديث. et ce qui est mentionné dans les livres de la croyance des pieux prédécesseurs à l'époque, quand on disait أهل الحديث, il était connu que c'était, on voulait dire par là هم أهل السنة, les gens de la سنة. ثالثا الأثارية أو أهل الأثار الأثارية ou Ahlul Athar, yani Athar Salaf, ceux qui suivent les traces, c'est-à-dire les traces des pieux prédécesseurs. Et beaucoup de savants ont mentionné les gens du Hadith ou les gens de Ahl Sunnah par ce nom-là, Al-Athariya ou bien Ahlul Athar. Comme l'a mentionné Ibn Abi Hatim Ar-Razi, rahimallahu ta'ala, où il a mentionné que notre voix et notre manière, c'est ittiba' ar-rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ashabihi wa at-tabi'in wa at-tamassuk bi madhhab ahli al-athar mithal abi abdillah ahmad ibn hanbal rahimahullah ta'ala, où il a mentionné dans son livre notre voix et ce que la voie que nous suivons, c'est le suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ainsi que de ses compagnons et de ceux qui les ont suivis. والتمسك, et le fait de s'accrocher بمذهب أهل الأثار, à la voix des gens de l'Athar, c'est-à-dire l'Athar, les gens de, qui ont suivi la trace de qui? De As-Salaf, rahimahumullah ta'ala. Comme par exemple Abu Abdillah Ahmed ibn Hanbal, l'imam Ahmed. La kunya de l'imam Ahmed, c'est Abu Abdillah, rahimahumullah ta'ala. طيب رابعا الفرقة الناجية le groupe sauvegardé parmi les noms de أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية le groupe sauvegardé الناجية من النار elle est sauvegardée de quoi du feu في الآخرة وفي الدنيا من البدع يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلها في النار إلا واحدة يعني ليست في النار وهي الفرقة الناجية وهم أهل السنة والجماعة وهم أهل الأثر وأهل الحديث وهم السلفيون طيب allez sauvegarder du feu فرقة الناجية le prophète صلى الله عليه وسلم dans une des روايات une des chaînes de transmission parmi les chaînes de transmission et parmi plusieurs hadiths qui sont venus sur cette question-là où le prophète a dit kulluha fi an-nar illa wahida toutes vont au feu tous les groupes hein, toutes ces sectes qui ont émergé dans l'islam vont au feu sauf une et là il a répondu hein, ceux qui sont sur ce que sur ce qui sur ce que je suis moi aujourd'hui et mes compagnons c'est-à-dire ceux qui sont على الكتاب والسنة بفهم الصحابة بفهم السلف الأمة à la compréhension des pieux prédécesseurs à la compréhension de الصحابة رضي الله عنهم والتابعون والتابع التابعين donc elle est sauvegardée c'est-à-dire sauvegardée كلها في النار إلا واحدة toutes vont au feu sauf une ça prouve bien qu'elle est الناجية elle est sauvegardée du feu de l'enfer donc elle est sauvegardée du feu de l'enfer dans l'au-delà elle est sauvegardée de l'innovation dans cette vie d'ici-bas. Les gens du hadith, hein, ce groupe de musulmans que le prophète sallam a mentionné, qui est sur ce qu'était le prophète sallam et ses compagnons, sont sauvegardés de l'innovation. Ils rejettent l'innovation et ils préviennent le reste de la communauté contre l'innovation. Wa qala Sheikh Hafiz Hakimi, rahimallah ta'ala, il a mentionné وقد أخبر الصادق المصدوق الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن الفرقة الناجية هم من كان على مثل ما كان عليه وأصحابه وأصحابه. Il a mentionné le plus véridique des véridiques, c'est-à-dire le prophète صلى الله عليه وسلم nous a informé dans ce hadith que le groupe sauvegardé sont ceux qui sont sur ce qu'était le prophète صلى الله عليه وسلم ainsi que ses compagnons. خامسا الطائفة المنصورة الناجية فرقة الناجية والطائفة المنصورة le groupe victorieux une fois qu'ils sont sauvegardés hein, ils sont sauvegardés de l'enfer ils sont aussi le groupe victorieux comme l'a mentionné le prophète sallam dans un hadith hein, il restera toujours un groupe de ma communauté parmi tous ces groupes là il y aura toujours un groupe Vahirin, c'est-à-dire ils seront toujours là. Ce groupe-là, il sera toujours là jusqu'à ce que leur Amrullah tabaraka wa ta'ala, yani, wahum zahirun, ils seront toujours là, ils seront toujours apparents. Ce groupe-là, qui est Firqatun Najiya wa Taifatun Mansura, qui est Ahl Sunnah wa Al-Jama'a, wahum Ahl Sunnah, ils seront toujours là dans cette Ummah, jusqu'à ce que leur terme arrive. Jusqu'à ce qu'Allah Azzawajal leur mette un terme. Ici, les savants, ils ont divergé. C'est-à-dire, est-ce que c'est jusqu'à ce que l'heure arrive ou bien c'est jusqu'à ce que leur terme à eux arrive. Certains savants expliquaient jusqu'à ce qu'Allah leur mette un terme à eux. C'est-à-dire, il viendra un moment où ça y est. Dans une autre riwaya, dans une autre version des savants, sur le même hadith, ils ont mentionné jusqu'à ce que l'heure arrive. Ils seront là jusqu'à ce que l'heure arrive. سادسا السلفية أو السلفيون sixièmement parmi les noms qui sont donnés et c'est l'époque à laquelle on vit aujourd'hui السلفية والسلفيون السلف في اللغة جمع سالف, c'est-à-dire c'est celui qui t'a précédé, celui qui était avant. Comme il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, hein, il a dit je suis ton salaf, c'est-à-dire je suis celui qui t'a, quand il a dit à sa fille je suis ton salaf, je suis celui qui te précède. وقال الله تبارك وتعالى فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. Donc السلف يعني ceux qui nous ont devancé. والسلف الصالح ceux qui nous ont devancé dans la piété, dans l'ilm, dans la science, dans l'iman, dans la foi, qui était avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils nous ont devancé dans tout. Fi l'iman, wa fi taqwa, wa fi l'ilm, fi kulli shay, fi l'Qur'an, wa fi sunna. Dans toutes choses ils nous ont devancé. Parce qu'ils étaient là lorsque la révélation est arrivée, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était là. Donc personne ne peut comprendre cette religion mieux que les sahaba radiallahu ta'ala anhum. Ils sont même concernés par certains versets. Certains ont reçu le salam de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils ont vécu le hadith. Ce sont eux qui sont mentionnés dans les hadith. Tous les hadiths que l'on lit dans les livres, ce sont eux qui étaient présents. Wahum salaf. Ils étaient ceux qui nous ont devancés. Ils étaient, ce sont des anciens. Ce sont des anciens. ومن يقول أنا السلفي يعني ويتبع الكتاب والسنة بفهم السلف. خلاص. فقط. C'est tout. Il ne va pas répéter à chaque fois « Je suis le Coran et la Sunna à la compréhension des pieux prédécesseurs. » Tout ça, ça se résume en un seul mot. « Bilorat al-Arabiya, al-Salafi. » Lakin, mushkil, « Kathiru min al-Nas fi hada al-Zaman wa fi hadi al-Umma yaquluna nahnu salafiyyun. » Al-Sufi wa yaqul nahnu salafiyyun. Al-Shi'a hum yaquluna nahnu salafiyyun. Al-Mubtadi'a yaqul ana salafi. Jama'at al-Takfir hum yaquluna nahnu salafiyyun. كلهم يقولون هذا كيف الفرق بينها بينهم وبينهم بين أهل السنة وأهل البدع. Et on arrive maintenant à l'époque, à cette époque-là de maintenant, où même les gens de l'innovation commencent à prendre le nom salafi, parce qu'ils savent très bien, ils admettent en vérité que salafiyun hum أهل السنة. Pourquoi tu prends le nom de salafi si tu considères que salafiya ou salafiyun, ils ne détiennent pas la vérité. Comment ça se fait? Subhanallah. Si tu veux prendre un nom, tu vas prendre le nom de quelqu'un qui est dans la vérité et qui est ancré dans cette vérité. Donc si vous prenez le nom de salafiyun, salafi, ça montre qu'en vérité, tu admets qu'ils sont à l'al-haq et qu'ils détiennent le hadith, ahlul hadith, et qu'ils ont l'ilm et qu'ils sont à la sunnati de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, tu ne prendrais pas leur nom. Tu prendras un autre nom. Alors pour attirer les gens aujourd'hui, c'est qu'on prend, ils prennent ce nom-là. وَهَلْ يَجُوزَ أَنْ تَقُولْ أَنَا السَّلَفِي. La question qui se pose, c'est est-ce qu'aujourd'hui tu as le droit de dire toi en tant que musulman, je suis salafi. Parce que beaucoup, مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ وَالْهَوَى, les gens de l'innovation et de la passion, et certaines du'ats, des prêcheurs ici et dans d'autres pays qui veulent interdire le fait de dire ana salafi. Si tu dis ana salafi pour dire tout simplement ana attabi'u al-kitabi wa sunnah bi fahmi salaf. Yajuz, c'est permis. Tous les ulama de sunna ils l'ont permis ça. Ce qu'ils ont interdit c'est quoi? Ils ont parlé de deux choses. Ils ont interdit c'est quand tu dis as-salafiyya Hizb min al-Ahzab, c'est un hizb parmi, c'est un parti parmi d'autres partis. Al-Salafiyya, c'est comme Jama'at al-Tablir, c'est comme l'Ikhwan Muslimin, c'est comme l'Ashariyya, c'est comme kada ou kada ou kada ou kada. C'est-à-dire pour toi, il n'y a aucune différence entre tout ça. Ça, c'est interdit. Parce que Al-Salafiyya, hum ahlul hadith, wa hum ahlul sunna. Alors que les autres, hum ahlul bid'ah. Mais on ne dit pas que tout ce qu'ils font ou tout ce qu'ils disent, c'est de l'innovation. Non. Ce qu'ils ont et ce qu'ils font sur la sunna, c'est entre eux et Allah. Mais c'est l'innovation qu'ils ont ramenée dans telle question ou dans telle question qu'il est important de souligner et qu'il est important de prévenir afin que les musulmans de la masse ne tombent pas dans ce piège-là. Qu'ils ne sortent pas de la compréhension de Sahaba, qu'ils ne sortent pas de la compréhension de l'ulama, kibar. C'est ça qui est important. Maintenant, deuxième chose, il faut savoir, comme ils ont dit l'ulama, c'est si tu dis anta salafi, sache que c'est une responsabilité. Une responsabilité. Ça veut dire que tu dois les suivre dans toutes choses. Aqidatan, manhajan, mu'amalatan, akhlaqan, fi kulli shay. Anta salafi ma' zawjatik, anta salafi ma' awladik, anta salafi fi kulli makan wa zaman. Si tu dis que tu es salafi, tu suis le kitab wa sunna bi fahm salaf, c'est dans tout. Et que tu reconnais aussi bien par la compréhension, mais aussi par le comportement. Il faut les suivre dans tout. Ils sont le repère dans toute chose. Tu veux savoir comment te comporter dans le mariage ? Regarde Salaf, comment ils se comportaient avec leurs épouses et leurs enfants. Regarde Salaf, comment ils se comportaient quand ils allaient dans tel endroit, quand ils étaient avec telle personne, comment ils se comportaient dans Talib al-Ilm, comment ils se comportaient avec le Qur'an, comment ils se comportaient lorsqu'ils jeûnaient le mois de Ramadan, il a khiri. Ittiba' al-Salaf, lakin fi kulli shay. Faut pas tomber dans ce piège où beaucoup disent « Ana salafi », mais dans une mas'ala, la yattabi'u salaf. Dans une question religieuse, il suit plus salaf, il suit autre chose. Parce qu'il considère que dans cette question-là, il y a quelqu'un qui a ramené quelque chose qui lui plaît. Hada ittiba' al-hawa. Dans ce cas-là, il ne fait que suivre sa passion. Parce que celui qui suit as-salaf ou salah, dans toute chose, mais dans telle question, il ne les suit pas. C'est comme s'il disait qu'il y a quelqu'un qui connaît mieux que salaf dans cette question. Et forcément, il s'est trompé. Donc il ne s'agit pas de dire un salafi, et dans certaines questions religieuses, il ramène des choses de Ahlul Bidah ou Ahlul Hawa, des gens de l'innovation ou des gens de la passion. مثلاً في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى la manière de faire الدعوة السلفي هو يدعو إلى الكتاب والسنة بفهم السلف وأولاً يدعو إلى التوحيد الله تبارك وتعالى أولاً قبل كل شيء والحزبيون وأهل البدع والذي يدعو إلى حزبه ولا يدعو بالتوحيد أولاً. Quelqu'un qui dit qu'il est salafi, s'il fait da'wa, il dit appeler les gens à Allah, tabaraka wa ta'ala. La première chose qu'il va faire, c'est que sa da'wa, elle correspond avec la même da'wa, la même prêche que ceux qui l'ont devancé. C'est-à-dire, as-sahaba, radiallahu anhum. As-sahaba, la da'wa, ils l'ont appris de qui ? Du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il envoyait les gens faire da'wa, comme Ali ibn Abi Talib, ou Mu'adh, il a le Yémen, quand il les envoyait au Yémen, il leur a dit quoi ? La première chose à laquelle tu appelles les gens, c'est « La ilaha illallah » wa Muhammad wa Rasulullah. S'ils acceptent ça, apprends-leur qu'ils ont 5 prières obligatoires. « Ila akhiri » « Awalan »« La ilaha illallah » »« Qallallahu tabaraka wa ta'ala »« Qul ad'u ilallah ala basira » »« Ad'u ila »« Ilallah » أولاً إلى توحيد الله عز وجل إلى عبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له إفراد الله تبارك وتعالى في العبادة première chose qu'un salafi appelle quand il fait da'wa c'est d'appeler les gens au tawhid que les gens laissent le shirk billah la chose la plus grave et qu'ils aillent vers la chose la plus importante عبادة الله تبارك وتعالى qu'ils adorent Allah sans rien lui associer et qu'ils délaissent عبادة القبور والولي وفلان وفلان إلى آخره الشرك إن الشرك لذول من عظيم il délaisse toute forme d'adoration tournée vers un autre qu'Allah comme les Qubouriyoun ceux qui adorent des tombes qui invoquent des morts ceux qui adorent leurs mashaykh leurs shuyukh عند الصوفية وغيرهم هذا هو السلفي يدعو إلى الكتاب والسنة لكن بفهم السلف et chaque compréhension d'un verset ou d'un hadith il le ramène à la compréhension de الصحابة رضي الله تعالى عنهم Ou al-ulama al-sunnah. Et non pas sa propre compréhension. Ou à la compréhension d'un tel, et celui-ci ne fait pas partie des gens de al-sunnah. Il fait da'wa comme faisait da'wa le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Et ceux qui l'ont devancé dans la science. Bien sûr, certains ils disent, nous on fait da'wa comme eux. On va dans des pays, on fait da'wa. Na'am, qu'al jama'at al-tabligh, mathalan. Hum yaquluna yad'una ila Allah tabaraka wa ta'ala. Laysa bis-sahih. Ya'muruna bil ma'ruf, na'am. Wala yanhauna 'anil munkar. Ils ordonnent le bien, oui, mais ils n'interdisent pas le blâmable. Ce qui n'est pas da'wa, comme à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, alors ce n'est pas la prêche, hatta taqum sa'a, jusqu'à ce que l'heure parvienne. Jusqu'à ce que l'heure arrive. Ou tu fais da'wa comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, ou tu ne fais pas de da'wa. Ou les ikhwan muslimoun, mathalan, qui veulent changer, qui veulent rassembler. Ce qui compte pour eux, c'est le nombre. On avance tous ensemble sur ce qu'on s'entend et sur ce qu'on s'entend pas, on se tait. ماذا قال الله تبارك وتعالى أنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. Cette règle-là, elle vient contredire ce qu'Allah Azza wa Jalla a dit. Vous êtes la meilleure que des communautés qu'on a fait sortir parmi les gens. قال ابن كثير رحمه الله في التفسير هذه الآية من الناس إلى الناس للناس أنتم خير أمة أخرجت للناس. On vous a sorti des gens pour les gens. وهم الصحابة في هذه الآية. Il s'agit des compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم dans ce verset. On vous a fait sortir vous sahaba. On vous a fait sortir des gens pour les gens. Vous ordonnez le bien. Jusque là tout va bien. On avance tous ensemble, comme ils disent les Ikhwan. On avance tous ensemble. Mais là où ça va pas. Là où on ne s'entend pas, on n'en parle pas. Sinon, ça va faire la division. Alors que le verset il dit juste après, وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Et vous interdisez le blâmable. Lequel veut la division ? السلفي الذي يرى عند أخيه منكرا وينصح وينهى عن المنكر أو الذي لا يقول شيئا ويسكت. وهذا من عمل الشيطان. C'est lequel qui veut la division? C'est celui qui est parmi les gens de la sunna et qui voit son frère qui prend un chemin qui n'est pas bon, qui est sorti de la sunna et qui est parti dans ses petits chemins à droite à gauche de l'innovation ou autre et qui lui dit akhi taqillah ittaqillah tabaraka wa ta'ala. Reviens à Allah azza wa jalla. Crains Allah, dans ce chemin-là tu t'es trompé, ce n'est pas le bon chemin à prendre. Le bon chemin à prendre, c'est ça. قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا. بالنصيحة وبالكلمة الطيبة وبالموعظة الحسنة. Avec une bonne parole, avec une bonne prestance, avec science. Ou bien c'est celui qui voit son frère et il dit rien. Et il le laisse comme ça parce que sur ce qu'on s'entend pas, il faut pas en parler. Ce n'est pas le groupe qui fait la vérité. Comme l'a mentionné Cheikh Salah Al-Fawzan Hafidhahullah Ta'ala, ils veulent réunir les gens sur une chose qu'Allah n'a jamais réuni les gens. Comme قال أهل العلم لا توحيد إلا بالتوحيد لا توحيد بين المسلمين إلا بتوحيد الله عز وجل. Il n'y a pas d'unicité sans unicité. C'est-à-dire les musulmans ne seront pas unis tant que tous ne seront pas unis sur la ilaha illallah على توحيد الله تبارك وتعالى. Aujourd'hui, on trouve « الشرك بالله عز وجل » في أمة الإسلام. Il y a des gens parmi cette umma qui invoquent des djinns, qui égorgent pour les djinns, qui invoquent des morts, qui égorgent pour des bêtes en sacrifice pour des morts, jusqu'à ce qu'ils font tawaf autour de l'qubur, حول l'qubur, autour des tombes. Et ils tournent et ils tournent, tout en faisant des du'as comme on tourne autour de la Kaaba. Alors tu invites les gens à quoi? Tu invites les gens à ton parti ou tu invites les gens à Allah tabaraka wa ta'ala? Et tu invites les gens à la sunna? Ou bien ce genre de da'wa qui arrive maintenant comme des pièces de théâtre ou autre? هذا لا يجوز وليس من السنة وليس معروف عند السلف الأمة رضي الله تعالى عنهم. C'est pas connu ça chez la sunna, chez les gens de la sunna. De faire des sketchs ou de faire des pièces de théâtre qui servent de ma'ouïza pour les gens. Ou un tel, il fait le rôle d'un sahabi. Comme il l'a mentionné Cheikh Abdelaziz Ben Baz, rahimallahu ta'ala, huwa fasiq wa yaqul ana Omar al-Khattab ou ana Abu Bakr Siddiq. Il joue le rôle d'un compagnon alors que c'est un fasiq. Wali'adhu billah. Ou bien de faire croire que tu es quelqu'un qui est dans la dunya, dans les péchés, et tu racontes comment tu étais. Et qu'aujourd'hui, voilà ce que tu es devenu. Hadi da'wa? Là. Si vous voulez faire da'wa, faites da'wa comme il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Radiallahu ta'ala anhu. Wal ulama al-kibar. Cheikh al-Islam Taymiyyah. Wal imam Ahmed. L'imam Malik, l'imam Shafi'i, Abu Hanifa, ou ailleurs. Il y a des ulama pour ça. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Qu'est-ce qui t'empêche d'appeler un shir, shir, salam alaykoum, j'ai une question. On a pensé à un projet pour da'wa qui est de faire ça, ça, ça. Est-ce que c'est correct, oui ou non? Ou bien il dit oui, ou bien il dit non. Vous allez trouver des ulama qui permettent la pièce de théâtre. Par son ijtihad, le shir, il a permis la pièce de théâtre pour qu'il serve comme une forme de da'wa pour les gens. Et après, son avis, il n'est pas correct. Son avis, il n'est pas correct. Un savant, il peut se tromper. Et cet avis-là, il n'est pas correct. Et même les autres savants d'Ahl Sunna ont corrigé cet avis. Ils ont tous corrigé cet avis. Parmi les plus grands, Cheikh Salah Al-Fawzan, Cheikh Abdelaziz Ben Baz, waghayruhum. Cheikh Salah Al-Sheikh, waghayruhum. Et après, la personne, elle dit quoi? Fi khilaf. Il y a une divergence. Et quand il y a divergence, tu dois respecter l'avis de l'autre. Ça, c'est pas un khilaf qui est correct. Parce que là, il y en a un qui est dans le haq, il y en a un qui est dans le batil. C'est comme si tu disais qu'il y a un khilaf baina ahl sunna wa ahl al-bidah. Ma hada? Comme qala ahad min ahl al-bidah qala al-khuruj 'ala al-hakim hakim muslim khilaf. Qala ba'duhum hakadha wa qala ba'duhum hakadha. Il y en a, il a dit une fois, le fait de sortir contre le gouverneur musulman, c'est un khilaf. Lui, il a voulu nous faire comprendre, c'est un khilaf entre les gens de la sunna. C'est un khilaf entre ahli sunna et ahli al-batil, ahli al-khawarij. Yani baina ahli sunna et ahli al-bidah. Donc il faut se méfier de toutes ces choses-là. On essaie de nous faire comprendre certaines choses qui sortent de la compréhension de salaf, avec de nouvelles règles. Des règles établies par qui? Posez-vous la question, pourquoi est-ce qu'il y a un fondateur? Dans tel groupe, pourquoi un fondateur? Tiens, Jama'atou Tablir, ils ont un fondateur. Les Khwan Muslimoun, ils ont un fondateur. Kulluhum. À chaque fois, il y a un fondateur. Pourquoi un fondateur? Subhanallah. On a besoin d'un fondateur? Non. Nattabi'u an-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Et quand les gens de l'innovation ont été attaqués là-dessus, alors ils ont répliqué. Antum salafiyoun, vous avez un fondateur aussi. Muhammad ibn Abdel Wahhab, rahimallahu ta'ala. Hada laysa bisahih. Mada khala'a Muhammad ibn Abdel Wahhab? Huwa yatakallamu bi aqwali Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimallah. Wa Ahmad ibn Hanbal. Wa Malik. Wa l'imam Malik. Wa l'imam Shafi'i. Wa l'imam Abu Hanifa. Wa ila akhirihi. Yani ulama salaf. Il n'a fait que parler comme ont parlé ceux avant lui. Dans ce cas-là, dites qu'alors que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, c'est lui le fondateur de Salafiyya, puisqu'il était avant, et que lui, il parle en son nom. Et vous dire na'am. Alors votre fondateur, c'est Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Bah, dans ce cas-là, il faut nommer celui qui est encore avant. Parce que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, quand il parle, il ramène les noms d'avant. Et on va remonter jusqu'où? حتى النبي صلى الله عليه وسلم. Parce que cette voie, elle date depuis la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas de fondateur. Il n'y a pas quelqu'un qui vient après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec des nouvelles règles. En disant maintenant la da'wah, on va la faire comme ça. Avec 6 points. Ou la da'wah, maintenant on va la faire comme ça. Ou bien on va prêcher de telle manière. Pourquoi ? Parce qu'avant que vous arriviez, la da'wah n'était pas bonne. Subhanallah. Vous savez mieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a rien dit, et vous savez, et vous allez nous dire comment vous le savez, qu'il faut prêcher de cette manière-là. Ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ramenez-nous un texte. Aya min al-Qur'an ou hadith. Il n'y a rien. Ittiba' al-hawa. Ce n'est que suivre leur passion qu'ils ont fait. Taïb. المقصود بالسلف ce qui est recherché dans le terme السلف c'est ce qui est avant. Maintenant il y a eu plusieurs paroles par rapport à ça, il y a eu plusieurs paroles par rapport au terme السلف. Certains ont dit أنهم الصحابة رضي الله عنهم فقط. Certains ont dit c'est que الصحابة. D'autres ils ont dit أنهم الصحابة والتابعون. C'est les Sahaba, c'est les compagnons et ceux qui les ont suivis juste après, la génération d'en dessous. D'autres, ils ont dit Annahum Sahaba wa tabi'un wa tabi'u tabi'in. Certains, ils ont dit As-Salaf, il s'agit des Sahaba, les compagnons, de ceux qui les ont suivis juste après et de ceux qui les ont suivis juste après. D'autres, ils ont dit C'est tout ce qui était avant le 5e siècle. Après la hijara, Ba'd al-Hijara. Certains ils ont dit, hein, c'est tout ce qui était, tout ce qui est compris dans, jusqu'au 5e siècle de la hijara. Donc, ils ont rapporté pour cela en disant que c'était Mabni al-Zaman. Yani hum al-Salaf, ils ont expliqué que c'était par rapport au temps. Tayyib. Wa al-Sahih. Et la vie le plus sûr là-dedans, comme a dit le mu'allif rahimahullah, la shik anna dhalika ghayru sahih. Il dit, il n'y a pas de doute que cela n'est pas correct. Ala kulli hal. Ce qui veut dire ici le shir, c'est qu'on ne se base pas sur un temps. As-salaf ou as-salaf. Mais ce n'est pas un temps bien précis. Ce n'est pas une époque bien précise et bien définie. As-salaf, as-salaf. Sahaba ou as-salaf. Shir al-Islam Taymiyyah ou amin as-salaf. Il a khiri. Donc on ne peut pas dire que c'est un temps bien précis. Pour dire que quelqu'un il est min ahl-salaf ou amin as-salaf, ce n'est pas un temps bien précis. Parce que salaf, c'est celui qui t'a devancer. Wa as-salafi, as-salafi, c'est celui qui est ala manhaj as-salaf. Mais à partir du moment où wa yukhalif as-salaf wa laysa bi-salafi. Et à partir du moment où il contredit as-salaf, les pieux prédécesseurs, il ne peut pas être salafi. Mais attention, comme il a bien expliqué Cheikh Rabi' al-Madkhali hafidhahullah ta'ala, il faut bien faire la distinction entre un salafi qui a des erreurs et un mubtadi' et un innovateur. Il se peut que quelqu'un, il fait partie des gens de Al-Sunnah, comme l'imam Nawawi, rahimallahu ta'ala, ou l'Asqalani, rahimallahu ta'ala, qui sont des grands savants de la Ummah, des grands savants de Al-Sunnah, même s'ils ont commis des erreurs dans certaines choses, fil asma' wa sifat, ils restent hum salafiyoun, wa hum Al-Sunnah, wa Ahlul Hadith. Il faut bien distinguer entre quelqu'un qui fait partie des gens de la Sunnah, mais il peut se tromper. Et il aura des erreurs dans telle question ou telle question. Et l'innovateur qui, lui, certes, il s'est trompé, mais après avoir reçu les preuves, il a toujours rejeté les arguments des gens provenant de la Sunna. Et il n'a pas accepté ces arguments-là. Il les a tous rejetés, il est resté sur ce qu'il avait. Ce n'est pas celui qui innove, toute personne qui innove qui est un innovateur. Il faut que la preuve lui soit parvenue. Quelqu'un, il peut être des gens de la sunna, mais il s'est trompé. Il a commis une erreur, c'est tout. Et on espère de lui, après avoir reçu une nasiha, le conseil, qu'il va se repentir et qu'il va revenir sur son erreur. La différence avec l'autre, qui lui ne fait même plus partie des gens de la sunna. Qu'il soit musulman, qu'il soit resté musulman, mais innovateur, ou à cause de son innovation, il est sorti de l'islam. Hadha al-hukm 'am, quand on dit ça, on parle d'une manière générale. Une règle générale, on ne peut pas l'appliquer comme ça sur n'importe qui. Tayyib. Et c'est pour ça que les ulama, ils ont bien ramené cette spécificité qui est de dire « as-salaf as-salih » et non pas « as-salaf » tout court. Parce qu'on peut trouver « as-salaf » des gens qui nous ont devancés dans le temps, mais qui se sont trompés et qui ne sont pas à la sunna et qui étaient parmi les innovateurs. Et ils sont « salaf », c'est-à-dire qu'ils sont parmi les anciens dans le temps. Et c'est pour ça que les ulama n'ont pas manqué de rajouter « as-salaf as-salih » les pieux prédécesseurs. Yani, ceux qui nous ont devancés, oui, mais qui étaient sur la sunna du prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Donc il faut bien faire cette distinction. والصحابة رضي الله عنهم فهم السلف وهم أهل السنة والجماعة. Donc, les Sahaba, les compagnons du prophète sallam, sont les prédécesseurs, ils sont les gens de la sunna wal jamaa. Donc si on dit fulan sunni, yani c'est un sunni, c'est-à-dire on comprend par là qu'il est mutamassik بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك نقول سلفي هو متمسك بالسلف كم quelqu'un on dit qu'il est sunni il est accroché à la sunna à la tradition du prophète صلى الله عليه وسلم alors on peut dire de quelqu'un qu'il est salafi dans le sens où هو يتبع السلف هو متمسك بالسلف بمذهب السلف السني السنة السلفي السلف. Et c'est ce qui va marquer la distinction entre lui et un autre musulman qui lui est sorti de la sunna et qui ne prend plus cette voie-là, la voie de ceux qui, des pieux prédécesseurs, mais qui a considéré qu'il y avait une voie meilleure à prendre. C'est ce qui va distinguer entre les deux. Parmi les règles du madhab al-salaf, des gens de la sunna, c'est leur comportement avec les gens de l'innovation. Et là, il faut faire attention car beaucoup de jeunes se précipitent sans science, sans sagesse, sans conseil, ou ils traitent tout le monde de mubtadi'. Fulan mubtadi', fulan mubtadi', fulan wa ikhwani, fulan tablighi, fulan kada wa kada wa kada wa kada, biduni ilm wa biduni hujja, biduni shay, bil kalami faqat, wal ajala, wa qala sallallahu alayhi wa sallam, al ajalatu min ash-shaytan. Ils insultent tout le monde d'innovateurs sans chercher le pourquoi du comment, sans apporter d'argument. Et parfois tu lui demanderas: sur quoi tu t'es basé pour dire ça? Il n'y a rien. Il n'y a pas d'argument, il n'y a rien. Tu as le droit de prévenir contre quelqu'un qui a un danger pour les musulmans. Seulement, il faut venir avec des arguments. Il faut venir avec ce que lui, il dit. Et avoir comparé avec le Coran et la Sunna pour savoir si c'est correct. Et ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas une mode. Ça se fait avec science. Ça se fait avec sagesse. « قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعدوا عليها بالنواجذ وإياكم ومعدثات الأمور فإن كل معدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. طيب وقال صلى الله عليه وسلم في وصف الفرقة الناجية وقد قيل له من هي يا رسول الله ما أنا عليه وأصحابي. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas contenté de parler que de la sunna. Il a parlé de la sunna et il a mentionné son contraire, al-bid'a. C'est une tradition qui date depuis qui? Depuis le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut pas se contenter de parler aux musulmans et de leur enseigner que ce qui est bien. Si on apprend aux gens le tawhid, pour comprendre le tawhid, il faut comprendre c'est quoi? Al-shirk. Il en est de même, si tu veux apprendre aux gens c'est quoi la sunna, tu te dois de prévenir contre al-bid'a. Pourquoi? Parce que la personne risque de comprendre, de confondre la sunna et la bid'a. Il va prendre ce qui est bid'a et va en faire pour lui une sunna. Et pour certaines personnes, la sunna va devenir une bid'a. Comme on entend de nos jours, tiens, ça c'est nouveau ça encore. C'est nouveau parce qu'on fait revivre la sunna. Dans ce cas-là, oui, c'est nouveau. Mais à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de Salaf Saleh, ce n'est pas nouveau. Or, les gens ont délaissé le hadith jusqu'à ce qu'ils n'ont plus pratiqué la sunna. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien dit « Alaykum bi sunnati » Sur vous ma sunna, prenez ma sunna. « Wa sunnati al-khulafa al-rashidin al-mahdiyin » Et la sunna des califs bien guidés après moi. Est-ce qu'il aurait pas suffi si le prophète lui aurait dit « Prenez ma sunna » Ça aurait suffi ou ça aurait pas suffi? Si ça aurait suffi, le prophète se serait arrêté là. Mais il a rajouté qui? Al-Khulafa al-Rashidin al-Mahdiyin. Et la sunna des califs bien guidés après moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez revenir à qui après moi? As-Sahaba. Wahum as-Salaf. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même qui ordonne aux musulmans « Prenez ma sunna et la sunna des califs bien guidés après moi. » Pourquoi? Parce qu'ils sont sur la même sunna que moi. Est-ce qu'il dit dans le hadith « Parce qu'ils sont sur la même sunna que moi » C'est dit, mais pas de cette manière-là. Où il dit « Tamassaku biha, biha, wa maqala bihima. » Accrochez-vous à elle. Il n'a pas dit à elle au pluriel. Il aurait pu dire accrochez-vous à ma sunna, la sunna des califs bien guidés, accrochez-vous à elle au pluriel, ici au duel. Bihima. Non. Biha. Ça c'est la preuve que la sunna du messager d'Allah, c'est la même sunna que le sahaba. Radiallahu ta'ala anhum. Wa'addu alayha bin nawajid. Il ne s'est pas arrêté là non plus. Accrochez-vous à elle et mordez-la avec vos molaires, c'est-à-dire fortement, de toutes vos forces. Pourquoi? Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il sait très bien qu'après lui, il va arriver la fitna, où les gens vont commencer à ramener des choses nouvelles dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est là qu'il va falloir être accroché fortement à cette religion et à cette sunna. Et comme on a dit, fait partie de la sunna que lorsqu'il parle d'un bien, tout de suite il mentionne le mal. Ou quand il parle d'un mal, il mentionne le bien juste après. Comme Allah tabaraka wa ta'ala parle du tawhid, il parle shirk. Wa shirk wa tawhid. Il parle de l'enfer, il parle du paradis. Il parle du paradis, il parle de l'enfer tout de suite après. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث تكلم بالسنة ثم بالبدع وقال وإياكم ومعدثات الأمور. Et prenez garde aux nouveautés, des choses nouvelles. Pourquoi? فإن كل معدثة بدعة. Parce que toute chose nouvelle est une innovation. وكل بدعة ضلالة. Et toute innovation est un égarement. Alors pourquoi en vouloir aux gens de la sunna, as-salafiyoun, qui parlent et qui préviennent contre les gens de l'innovation et contre l'innovation? Pourquoi en vouloir à eux, alors que c'est une sunna qui date depuis l'époque du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui lui-même a prévenu ses compagnons. Prenez ma sunna, accrochez-vous fortement à cette sunna, mordez-la avec vos molaires, et faites attention aux choses nouvelles et aux innovations. Car toute chose nouvelle est une innovation et toute innovation est un égarement. Ça, c'est pas tahdhir min al-bid'ah, c'est pas avertir contre l'innovation. Subhanallah. Et aujourd'hui, on croit que c'est nouveau, cette chose-là. Ce sont des gens qui ne lisent pas comment se sont comportés As-Salaf As-Salaf. Et bien sûr, la chose aujourd'hui que les gens de l'innovation reprochent, puisqu'ils n'ont rien trouvé de ilmi à contredire, c'est le comportement, l'adab ou l'akhlaq. Oui, mais les salafis, toujours ils crient, toujours les salafis, ils cassent, toujours les salafis. Comme il a dit, vous n'allez pas apprendre l'islam par le comportement des gens, vous allez apprendre l'islam par les textes. Alors, barakallahu fikoum, dans les textes, comment as-salaf as-salah ont interdit le blâmable et ont interdit l'innovation? Quelquefois par douceur, quelquefois avec dureté. Mais celui qui le faisait par dureté n'a jamais été repris par celui qui le faisait avec douceur, en lui disant « T'es trop dur, yahri. » Comme on veut nous faire croire aujourd'hui que certains ulama de Al-Sunnah hum mutashaddidoun. Comme on entend aujourd'hui. « Shir Rabi' al-Madhari huwa mutashaddid. » Ah, il est dur ce shir-là. Et lui, il fait que ça. Toujours tahdir contre Ahlul Bidah. Et na'am. Il en faut. Rahmatullah alayhi wa hafidhahullah ta'ala. Wa min kibar ulama wa wa muhaddith. Les gens, ils divergent dans l'adoration. Il y a des gens qui font beaucoup de prières et qui ont cette facilité. Il y en a qui font beaucoup de jeûnes. Ils jeûnent le jeûne de Daoud, par exemple. Ou ils jeûnent le lundi et le jeudi. Ils jeûnent les trois jours par mois. 15, 14, 15, 13, 14, 15. Lunaire, bien sûr. Il y en a, ils lisent beaucoup. Ils lisent le Coran. Ils lisent. Il y en a, c'est l'ilm. Yatloub l'ilm. Et il y en a, c'est quoi? Annahi anil munkar. Vous avez oublié que annahi anil munkar, c'est une ibadah, que c'est une adoration. Kullu ma amara Allah azza wa jalla fi kitabihi ou fi sunnati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, ibadah. Tout ce qu'Allah ordonne dans le Coran et dans la sunna, c'est une ibadah, c'est une adoration. Fait partie de l'adoration le fait d'interdire le blâmable. Et fait partie de prévenir d'interdire le blâmable, le fait de prévenir contre l'innovation et des gens de l'innovation. Et ne croyez pas que Cheikh Rabi' al-Madkhali, lorsqu'il parle, il parle avec la hawa, avec la passion. Quand il parle de choses sensées. Et il attend de nombreuses années avant de parler. Avant de parler sur un tel ou un tel ou un tel, quelquefois il a attendu 12 ans, 14 ans, 7 ans, 10 ans. Qui va patienter autant de temps comme ça? Il passe tout son temps. Il patiente, il fait une nasiha, il revient sur ça, revient tel point. Même s'il est vrai que certaines personnes parlent en son nom. Mais lui, il est désavoué de ces noms-là. Vous allez trouver des jeunes, minas salafiyin, qui vont dire, tel shir muftadir, ikhwani, mathalan. Alors que shir, il n'a jamais dit foulen ikhwani. C'est lui qui a ramené ce qu'Allah. Seulement, il utilise le nom de Cheikh Rabi'. Quelquefois, c'est fait exprès pour salir le nom de Cheikh Rabi', afin que les gens s'éloignent de lui. Quelquefois, c'est pas fait exprès. C'est il le dit et c'est sorti comme ça. Il faut qu'il répare son erreur et qu'il aille voir Cheikh pour lui dire de s'excuser. Et c'est déjà arrivé. Il ne faut pas tout mélanger, subhanallah. Il reste un grand savant de la Ummah. Cheikh Al-Albani, rahmallah, il disait de lui, il est l'étendard de la da'wah salafiyya. Cheikh Salah Al-Fawzan, il dit de lui, Hafidhahullah, Cheikh Rabi', ce n'est pas comme nous. Nous, on nous interroge, on répond aux questions et ça s'arrête là. Lui, lorsqu'il répond aux questions, on l'insulte. Subhanallah. Kadalik Cheikh Mughbil, Al-Wadi'i, Rahimallah Ta'ala, au Yémen, Alim Fidjahri wa Ta'adil, dans la science du hadith, il y a toujours eu des gens pour critiquer. Ça fait partie de la sunna que de critiquer. Ce qui est critiquable, on le critique. Ce qui est louable, on le loue. Subhanallah. On ne va pas critiquer une chose louable et louer une chose qui est critiquable. Est-ce que l'innovation et les gens de l'innovation, il faut louer cette chose-là? Il faut en faire les éloges? Non. Tayyib. Wa qala l'imam Ahmed, rahimallahu ta'ala, usul sunna indana التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع. Parmi l'imam Ahmed, رحمه الله, il a dit, parmi les bases de la sunna chez les gens de Ahl Sunna, c'est de s'accrocher fermement sur ce qu'étaient les compagnons du messager d'Allah, صلى الله عليه وسلم, et de se conformer à eux et d'abandonner l'innovation. Qu'est-ce qu'il a bien dit ? Min usul sunnah. Parmi les bases de la sunnah. Il est interdit à un musulman, quel qu'il soit, grand, petit, jeune ou vieux, homme ou femme, d'innover dans la religion d'Allah. Il n'a pas le droit de légiférer à la place d'Allah. Et celui qui le fait, comme l'a dit Cheikh Suhaimi, hafidhallahu ta'ala, il s'est mis législateur à la place d'Allah, puisqu'il innove dans la religion d'Allah. Il ramène quelque chose pour nous faire croire que c'est dans la religion d'Allah, alors que ça ne fait pas partie de la religion d'Allah. Il n'y a aucun texte qui nous ramène cette chose-là. Ni un verset, ni un hadith, ou quoi que ce soit. مثلا قال الله تبارك وتعالى وقال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى ثم استوى على العرش ابن كثير رحمه الله tout le monde connaît تفسير ابن كثير رحمه الله qui était lui-même un élève de Cheikh al-Islam ibn Taymiyya رحمه الله lorsqu'il a expliqué ثم استوى على العرش puis Allah en parlant d'Allah il s'est élevé au-dessus de son trône ولا يحتاج من العرش il n'a pas besoin du arsh. Allah il s'est élevé au-dessus de son trône sans en avoir besoin. C'est l'arche qui a besoin d'Allah. Ce n'est pas Allah tabaraka wa ta'ala qui a besoin du trône. Car Allah tabaraka wa ta'ala se suffit à lui-même. Tabaraka wa ta'ala. Wa subhanahu wa ta'ala. Et il dit bien que dans l'explication de ce verset, il faut suivre madhhab as-salaf as-salih. Kalimam Malik wa Thawri. والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وغيرهم. C'est-à-dire de prendre l'attribut d'Allah comme il est. Allah il a dit il s'est levé dessus de son trône, il s'est levé, c'est tout. Le comment il existe, mais seul Allah le connaît. Est-ce que l'un d'entre nous a vu Allah ? Non. Est-ce qu'un l'un d'entre nous a vu Allah Azza wa Jalla s'est levé dessus de son trône ? Non. Le comment il existe, mais il nous est inconnu à nous. Il est connu auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. والإيمان به واجب. Mais y croire est obligatoire, puisqu'Allah l'a informé sur lui-même. Et c'est écrit dans le livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Il a bien mentionné Ibn Kathir. Là-dessus, il faut revenir sur madhhab al-salaf salih, sur la voie des pieux prédécesseurs, comme l'imam Malik, wal-Awza'i, wal-Thawri, wal-Shafi'i, wa-Ahmad ibn Hanbal, wa-Ishaq, et d'autres. Tayyib. Donc, madhhab ou salaf, lorsqu'on dit as-salaf, il faut bien comprendre que ce sont ceux qui nous ont précédés dans la science et dans la compréhension de cette science, dans la compréhension du Coran et de la sunna. Or, les gens de l'innovation ont ramené beaucoup de choses, ont interprété beaucoup de choses, ont eux-mêmes essayé de se faire passer pour as-salaf al-umma, salaf al-salih, et il est important que chaque musulman fasse preuve de clairvoyance. Hein? S'il veut la sunna, et ça, c'est ça le pacte qu'il fait avec Allah tabaraka wa ta'ala lorsqu'il dit Ashhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je témoigne que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est bien le messager d'Allah. Ça veut dire que tu témoignes que tu ne suivras que le messager d'Allah dans cette religion et que tu ne vas pas suivre quelqu'un d'autre. Seulement ce suivi ne se fait que bi madhhab as-salaf, en suivant ceux qui étaient avec lui, ceux qui ont cru avec lui, ceux qui ont tout délaissé pour suivre le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui ont sacrifié leur vie afin que de préserver cette religion pour que les générations d'après, elles tiennent cette religion. Et ça, c'est une ni'ma d'Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est pour ça que les ulama, ils disent, remerciez Allah pour deux choses. La plus grande des choses, c'est que vous êtes musulmans. Et la deuxième des choses, c'est que vous êtes sur la voie des pieux prédécesseurs. C'est que vous comprenez cette religion comme l'ont compris les compagnons du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Ala muradillahi tabaraka wa ta'ala wa bifhami ar-rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. C'est que vous comprenez cette religion comme Allah a voulu que l'on comprenne. Ça, c'est une grande ni'ma. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Men yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi d-din. Fi l'hadith, celui qu'Allah lui veut du bien, il lui fait comprendre cette religion. Comprendre et appliquer cette religion. Mais il lui fait comprendre à quelle compréhension ? À la compréhension de du peuple qu'il a choisi pour entourer le messager d'Allah, c'est-à-dire as-sahaba, radiallahu ta'ala anhum, de comprendre cette religion comme Abu Bakr al-Siddiq l'a compris, de comprendre comme Omar ibn Khattab radiallahu anhu a compris, de comprendre comme a compris Ali ibn Abi Talib ou Uthman ibn Affan ou Ali ibn Abi Talib radiallahu anhum, de comprendre le Coran et la Sunna comme l'ont compris Abdullah ibn Abbas ou Abdullah ibn Mas'ud ou Hudhayfa ibn al-Yaman ou ghayruhum min as-sahaba radiallahu ta'ala anhum. Et ça, c'est une grande ni'ma qu'Allah a donnée, mais il ne l'a pas donnée à tout le monde. Celui qu'Allah lui veut du bien lui fait comprendre cette religion à la compréhension de Salaf. Mais celui qu'Allah, wal'aqsu bil'aqs, comme a dit Cheikh Al-Uthaymin, rahimallah, et le contraire avec son contraire, comme l'a dit Cheikh Al-Uthaymin, rahmatullah alayhi. Celui à qui Allah ne lui veut pas du bien, ne lui fait pas comprendre cette religion, parce qu'il ne le mérite pas. Et il cherche au fond de son cœur un chemin autre que celui de Sahaba. Pour quel but ? Allahu a'lam. Chacun connaît son intention. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل السنة في الدنيا والآخرة. Et c'est pour ça qu'on demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il nous accepte parmi les gens de la sunna dans cette vie d'ici-bas comme dans l'au-delà. Car ce bienfait-là, il ne l'a pas donné à tout le monde. Et comme on peut avoir ce bienfait aujourd'hui, comme il peut nous le retirer. Aujourd'hui, tu es à la sunna, demain tu es sur quoi? C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal a établi al-fitan sur terre. Hein, il y a des moments de discorde, des moments difficiles sur terre, des épreuves. Mais ces épreuves-là qu'Allah il a décrété sur terre, il y a une grande hikma derrière ça. At-tamyiz bayna ahli al-haq wa ahli al-batil. Ces grandes épreuves, elles vont permettre de différencier entre les gens de la sunna et les gens de l'innovation. Et combien de personnes on a cru qu'ils étaient parmi les gens de la sunna? Et lorsqu'il y a eu un événement, on les a retrouvés avec les gens de l'innovation, en train de suivre leur passion. Ou bien ils étaient des gens de la sunna, mais ils n'ont pas tenu cette épreuve, et ils sont tombés dans la passion. Ou bien dès le départ, ils n'étaient même pas parmi les gens de la sunna. Et ils ont caché, jusqu'à ce qu'Allah envoie une épreuve qui les fait apparaître. Parce que vous ruserez les gens, mais vous ne ruserez jamais Allah tabaraka wa ta'ala. Ou al-alim al-khabir tabaraka wa ta'ala. Allah est parfaitement au courant. Allah tabaraka wa ta'ala est parfaitement savant sur ce que vous cachez dans vos cœurs, si vous êtes des gens de la sunna ou si vous n'êtes pas des gens de la sunna. Et si vous jouez avec ça un jour ou l'autre, Allah Azza wa Jal va vous sortir, comme il a sorti d'autres avant vous. On a sallallahu alayhi wa sallam wa salam. Quant à celui qui veut rester parmi les gens de la sunna, qu'il s'accroche aux grands savants de la sunna, qu'il s'accroche à plus savants que lui sur la sunna, comme les savants eux-mêmes s'accrochent sur les savants d'avant et avant et d'avant, jusqu'à sahaba radiallahu anhum wa al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بارك الله لي ولكم.